parle à la drogue ou à la verre comme du verlin anglais, plus d'eau, carburant, voiture à zéro, mère morte à la porte. Présentation faite, je parle à la voix et pas un verlin, je t'attends. Dans mes soucis, je me souris. Plus d'importance à des informations, je passe à la 4 pour la droite et je t'enjambe, sale chienne, sur ma chaîne, on fait tac-tac, boubou. Puis là, je bois, yop, que pour me tenir en forme, petit café à la rosée, je paye un or brut. La mer a disparu, le niveau est plus là-bas, carburant, nouvelle génération, plus absence que du virtuel, Allah est venu à la vécu, à ma montre, j'affiche 23h, c'est 4 secondes, dit l'arbitre, avant la fin du monde. Les voitures volent proprement, dit Anora, mais la situation dans les coutumes journalières sont absentes dans les médias télévisés. Les concessions pour optimisation, prix des véhicules de la police pour circuler au mieux, pour qu'on on s'entend mieux sur statistique. Que faire à l'heure actuelle sans elle? On a vidé la planète Terre, incendie volontaire d'aliénation. Les Pyrénées couches d'ozone, s'est situé avec du l'oxygène O2. Je germe quelques graines et fous ma graine de saisons confondues par année. On se retrouvera tous dans l'étoile polaire et dans un rond-point sur le chemin. Je suis un voyageur à cœur et voyeur sur ma chaîne Nouvelle Autopsie. Les chaînes s'agènent, changent, évadées de prison. J'ai pris la place du rap, conteneur 34. Couleur primaire, le noir nous a été offert par les gens d'une autre terre. J'oppose mon crunch sur une tasse de café, toujours avec du sucre, ça mauvais temps. Je nage toujours au bouger pied, je me construis, j'altère sa gêne particulière hier. Aller là-bas quand on vit une vie horrible sur place, qu'il revient rien. Debout en train, je reprends le train pour aller plus loin. L'oxygène est présent, l'Amazonie, le Canada se font copains. Gauche Emmanuel Macron, ta parole sera d'or, si t'es d'or, on pourra pas te tromper. Ensemble, génération, j'enjambe le micro d'or sur parole. Nouveau Facebook à la recherche d'amis, amis, micro à l'affiche, j'affiche. J'ai fait le fou toute une vie à trois cœurs, l'ascenseur fou repart dans les départements. Je donne la somme, je cogne karatéka plus fort que Bruce Lee. J'ai fait le ouf et l'histoire n'est pas contredite. Va chercher l'heure au boulanger avec la baguette du matin. Les 700 sont contrôlés, contredits. La suite n'est pas suite, on est en 2048. Je suis aveugle, je porte le masque de Matrix. Mais les rings atterrissent et Obélix. Les images d'internet sont paginées comme la télé. Cluster effectué sur la légion de Tom pour des calculs arithmétiques. Nouveau laptop, nouvelle configuration, nouveau décor, nouveau main. Non, des panneaux réclames avec IRC, du topo, les diplômes à l'IRIX sur l'INECMIN. Les hackers sont allés dans nos vaisseaux mères en orbite, salut les hobbits. Contrôle total, un petit clavier sophistiqué avec écran Linux et pad ajusté. On débogue quand on debogue dans le système, ça va plus vite. Multimédia et le système demandent de nouveautés ajustées pour un contrôle sur nos pôles.